Laurent ? Tu me reconnais ? Natacha Dumoulin, on a fait nos études ensemble. Ah, mais oui ! Ça va ? Oui, j'ai une petite entreprise. Ça marche bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis employé de banque. C'est un travail intéressant. Et tu es marié ? Tu as des enfants ?